Doctrine d'Averroès. Problème de l'origine des êtres, matière première, premier moteur, providence. Il faut rendre cette justice à la philosophie arabe, qu'elle a su dégager avec hardiesse et pénétration les grands problèmes du péripatétisme, et en poursuivre la solution avec vigueur. En cela, elle me semble supérieure à notre philosophie du Moyen Âge, qui tendait toujours à rapetisser les problèmes et à les prendre par le côté dialectique et subtil. Or, tout l'esprit de la philosophie arabe, et par conséquent tout l'averroïsme, se résume en deux doctrines ou, comme disait le Moyen Âge, en deux grandes erreurs, intimement liées entre elles et constituant une interprétation complète et originale du péripatétisme, l'éternité de la matière et la théorie de l'intellect. La philosophie n'a jamais proposé que deux hypothèses pour expliquer le système de l'univers, d'un côté, Dieu libre, personnel, ayant des attributs qui le déterminent, providence, causalité de l'univers transporté en Dieu, âme humaine substantielle et immortelle, d'un autre côté, matière éternelle, évolution du germe par sa force latente, Dieu indéterminé, loi, nature, nécessité, raison, impersonnalité de l'intelligence, immersion et réabsorption de l'individu. La première hypothèse repose sur une idée trop exaltée de l'individualité, la seconde, sur une vue trop exclusive de l'ensemble. La philosophie arabe, et en particulier celle d'Ibn Rushd, se classe de la manière la plus décidée dans la seconde de ces catégories. Le problème de l'origine des êtres est celui qui préoccupe le plus Ibn Rushd, il y revient dans tous ses écrits, et toujours avec une nouvelle instance. Mais nulle part il ne l'a traité avec plus de développement que dans le grand commentaire sur le 12e livre de la métaphysique. Il y a, dit-il, sur l'origine des êtres deux opinions opposées, entre lesquelles il en est d'autres intermédiaires. Les uns expliquent le monde par le développement, les autres par la création. Les partisans du développement disent que la génération n'est que la sortie et en quelque sorte le dédoublement des êtres. L'agent, dans cette hypothèse, n'a d'autre fonction que de tirer les êtres l'un de l'autre, de les distinguer. Il est donc évident que ces fonctions se réduisent à celles de moteur. Quant aux partisans de la création, ils disent que l'agent produit l'être, sans qu'il ait besoin pour cela d'une matière préexistante. C'est l'opinion des motocalmins de notre religion et de celle des chrétiens, par exemple de Jean le Chrétien, Jean Philopon, qui prétend que la possibilité de l'être créé ne réside que dans l'agent. Quant aux opinions intermédiaires, elles se réduisent à deux, mais la première admet à son tour deux nuances assez diverses. Ces opinions sont d'accord sur un point, c'est que la génération n'est qu'une transmutation de substance, que toute génération suppose un sujet, et que rien ne s'engendre si ce n'est de son semblable. Dans la première de ces opinions, l'agent crée la forme et imprime cette forme à une matière existante. Parmi les partisans de ce sentiment, les uns séparent entièrement l'agent de la matière, et l'appellent le donateur des formes, c'est l'opinion d'Ibn Sina. D'autres soutiennent que l'agent est tantôt non séparé de la matière, comme lorsque le feu engendre le feu, ou que l'homme engendre l'homme. Tantôt séparé, comme cela a lieu dans la génération des animaux et des plantes, qui naissent du dissemblable, telle est l'opinion de Thémistius et peut-être d'Al-Farabi. La troisième opinion est celle d'Aristote, elle consiste à dire que l'agent fait du même coup le composé de la matière et de la forme, en donnant le mouvement à la matière et la transformant jusqu'à ce que tout ce qui y était en puissance passe à l'acte. Dans cette opinion, l'agent ne fait qu'amener à l'acte ce qui était en puissance, et réaliser l'union de la matière et de la forme. Toute création se réduit ainsi à un mouvement, dont la chaleur est le principe. Cette chaleur, répandue dans l'eau et dans la terre, engendre les animaux et les plantes qui ne naissent pas d'une semence. La théorie de la génération spontanée au moyen de la putréfaction et de l'action du soleil est généralement admise par les Arabes. Confère, Ibn Tofaïl. La nature produit tout cela avec ordre, avec perfection, et comme si elle était guidée par une intelligence supérieure, bien qu'elle soit dénuée d'intelligence. Ces proportions et cette énergie productive, que les mouvements du soleil et des étoiles donnent aux éléments, sont ce que Platon appelait les idées. Dans l'opinion d'Aristote, l'agent ne crée aucune forme, car s'il en créait, quelque chose pourrait sortir du néant. C'est la fausse imagination d'après laquelle on se représente les formes comme créées, qui a porté certains philosophes à croire que les formes sont quelque chose de réel, et qu'il y a un donateur des formes. C'est la même opinion qui a porté les théologiens des trois religions qui existent de nos jours à dire que quelque chose peut sortir du néant. Confère, Aristote du ciel et de la terre. Partant de ce principe, les théologiens de notre religion ont supposé un seul agent produisant tous les êtres sans intermédiaire, agent dont l'action s'exercerait au même instant par une infinité d'actes opposés et contradictoires. Dans cette hypothèse, le feu ne brûle plus, l'eau n'humecte plus, tout a besoin d'une création spéciale et directe. Bien plus, quand un homme lance une pierre, il prétend que le mouvement n'appartient pas à l'homme, mais à l'agent universel. Ils détruisent ainsi l'activité humaine. Mais voici une doctrine plus surprenante encore. Si Dieu peut faire passer quelque chose du non-être à l'être, il peut de même le faire passer de l'être au non-être, la destruction, comme la génération, est l'œuvre de Dieu. La mort est une création de Dieu. Selon nous, au contraire, la destruction est un acte de même nature que la génération. Tout être engendré porte en lui la corruption en puissance. Pour détruire, comme pour créer, l'agent n'a qu'à faire passer la puissance à l'acte. Ainsi il faut maintenir vis-à-vis l'un de l'autre la puissance et l'agent. Si l'un faisait défaut, rien ne serait, ou tout serait en acte, deux conséquences également absurdes. Toute la doctrine d'Ibn Rushd, tout le fond de sa polémique contre les motocalmins est contenu dans ce passage essentiel. La génération n'est qu'un mouvement, or tout mouvement suppose un sujet. Ce sujet unique, cette possibilité universelle, c'est la matière première, douée de réceptivité, mais dénuée de toute qualité positive, et apte à recevoir les modifications les plus opposées. Cette matière première n'est susceptible d'aucun nom ni d'aucune définition, elle n'est que la simple possibilité. Toute substance est ainsi éternelle par sa matière, c'est-à-dire par sa puissance d'être. Dire qu'une chose passe du non-être absolu à l'être, c'est dire qu'elle possède une disposition qu'elle n'a jamais eue. La matière n'a pas été engendrée, et elle est incorruptible. La série des générations est infinie, tout ce qui est possible passera à l'acte, autrement il y aurait quelque chose d'oisif dans l'univers, et puis, dans le milieu de l'éternité, il n'y a pas de différence entre ce qui est possible et ce qui est. L'ordre n'a pas précédé le désordre, Ni le désordre n'a précédé l'ordre. Le mouvement n'a pas précédé le repos, ni le repos le mouvement. Le mouvement est éternel et continu, car tout mouvement a sa cause dans un mouvement précédent. Le temps d'ailleurs n'existe que par le mouvement. Nous ne mesurons le temps que par les changements d'état que nous observons en nous-mêmes. Si le mouvement de l'univers s'arrêtait, nous cesserions de mesurer le temps, c'est-à-dire que nous perdrions le sentiment de la vie successive et de l'être. On ne mesure le temps durant le sommeil que par les mouvements de l'imagination, quand le sommeil est très profond et que le mouvement de l'imagination s'éteint entièrement, la conscience du temps disparaît. Le mouvement seul constitue un avant et un après dans la durée. Ainsi, sans le mouvement, il n'y aurait aucune évolution successive, c'est-à-dire que rien ne serait. De là, il résulte que le moteur n'agit pas librement, comme le prétendent les motocalmins. Ibn Sina, qui leur a fait tant de concessions, a imaginé, pour leur complaire, sa classification du possible et du nécessaire. Il met le monde dans la catégorie du possible, et suppose qu'il aurait pu être autrement qu'il n'est. Mais comment appeler possible ce dont la cause est nécessaire et éternelle? La liberté suppose nouveauté, or Dieu n'a pas de raison d'être nouveau. Le monde n'aurait pu être ni plus grand ni plus petit qu'il n'est, car le caprice seul aurait déterminé telle mesure plutôt que telle autre. Confère Aristote du ciel et de la terre. Le hasard n'est cause efficiente que rarement et par accident. Cependant, on serait beaucoup plus recevable à attribuer au hasard les événements d'ici-bas que tout l'ordre des corps célestes. Aussi Aristote traite-t-il plus sévèrement Démocrite et ceux qui soutiennent le premier sentiment que les partisans du second. Dieu, par conséquent, ne connaît que les lois générales de l'univers. Il s'occupe de l'espèce et non de l'individu, car s'il connaissait le particulier, il y aurait innovation perpétuelle dans son être. D'ailleurs, si Dieu gouvernait tout immédiatement, le mal de l'univers serait son œuvre, ou bien il faudrait lui attribuer le pouvoir de réaliser l'impossible, ce qui serait admettre le principe des sophistes. La seule opinion révérencieuse envers Dieu est donc celle qui réduit sa providence à n'être que la raison générale des choses. Dans cette hypothèse, tout ce qu'il y a de bien dans le monde lui est imputable, puisqu'il l'a voulu. Le mal, au contraire, n'est pas son œuvre, mais la conséquence fatale de la matière contrariant ses desseins. Jusqu'ici, Ibn Rushd ne me semble qu'un interprète fidèle et intelligent de la pensée d'Aristote, exprimée surtout au premier et au huitième livre de la physique et au douzième de la métaphysique. L'être, pour Aristote, étant composé d'un élément indéterminé, la matière, et d'un élément déterminatif, la forme, la matière devient, dans un tel sentiment, l'infini, le fond permanent de toute chose. La matière est le possible, et le possible c'est l'éternel. Assurément la forme de ce raisonnement était attaquable, et ce n'était pas à tort que les motocalmins répliquaient, « Votre erreur est d'envisager la possibilité comme une chose réelle. La possibilité n'a aucune subsistance. C'est une pure conception de notre esprit, sans nulle réalité. » Ceci était péremptoire contre l'expression un peu grossière de la théorie aristotélique, mais n'entamait pas la profonde vérité qui sert de base à cette théorie, à savoir l'identité du fond permanent des choses, l'éternité de l'océan d'être à la surface duquel se déroulent les lignes toujours oscillantes et variables de l'individualité. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.